Le Japon est un pionnier, pas d'exigence en matière de vaccination et pas de vaccin ROR, égal des enfants en meilleure santé. La promesse d'une bonne santé. Sommes-nous en train de faire un saut dans le vide aux États-Unis? De Christina Kristen, écrivain invité de childrenhealthdefense.org. Aux États-Unis, de nombreux législateurs et responsables de la santé publique s'emploient à rendre la vaccination obligatoire dans les faits, soit en révoquant le choix parental personnel donné par les exemptions de vaccins existantes, soit en imposant une quarantaine excessive et des amendes à ceux qui ne respectent pas la réglementation sur les vaccins du CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Les responsables gouvernementaux de Californie essayent de passer outre l'avis médical sur la pertinence de la vaccination, tandis que ceux de New York prescrivent pour les nourrissons de 6 à 12 mois le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, dont l'innocuité et l'efficacité n'ont pas été prouvées. Les États-Unis ont le taux de mortalité infantile le plus élevé de tous les pays développés, avec plus d'enfants américains qui meurent à l'accouchement et la première année que dans toute autre nation comparable. Et plus de la moitié des survivants développent au moins une maladie chronique. Les enfants américains seraient plus aidés si ces fonctionnaires, avant d'imposer des mesures douteuses et draconiennes, enquêtaient sur les résultats de santé des enfants au Japon. Avec 120 millions d'habitants, le Japon a les enfants les plus sains et la plus grande espérance de vie en bonne santé au monde. Et pour un pays développé, les enfants sont les moins vaccinés. Les États-Unis, en revanche, ont le plan de vaccination le plus agressif des pays développés, en termes de nombre et de calendrier, en commençant par la grossesse, la naissance et les deux premières années de vie. Cela rend-il les enfants américains plus sains? La réponse est claire, non. Les États-Unis ont le taux de mortalité infantile le plus élevé de tous les pays développés. Aux USA, plus d'enfants meurent à l'accouchement et au cours de leur première année que dans toute autre nation comparable. Et plus de la moitié de ceux qui survivent développent au moins une maladie chronique. L'analyse de la mortalité infantile réelle et des résultats sanitaires montre que la politique de vaccination américaine n'est pas bénéfique pour les enfants américains. Japon et États-Unis. Deux lignes directrices sur la vaccination. En 1994, le Japon est passé de la vaccination obligatoire dans les centres de santé publics à la vaccination volontaire dans les cabinets médicaux, guidé par le concept selon lequel il est préférable que les vaccins soient administrés par les généralistes qui connaissent l'état de santé de l'enfant. Le pays a créé deux catégories de vaccinations non obligatoires. Les vaccinations de routine, qui sont payées par le gouvernement, elles sont fortement recommandées, mais non obligatoires. Et les vaccinations supplémentaires volontaires, que les Japonais doivent généralement payer de leur propre poche. Contrairement aux États-Unis, le Japon n'impose pas de vaccination obligatoire pour les enfants qui fréquentent l'école maternelle ou primaire. Pendant la même période, le Japon a interdit le vaccin ROR en raison de milliers de dommages graves qui ont entraîné, sur une période de 4 ans, un taux de dommages de 1 sur 900. Ce taux était plus de 2000 fois plus élevé que prévu. Après avoir renoncé à la vaccination ROR, le Japon a mis à disposition, séparément, les vaccins contre la rougeole et la rubéole, puis la vaccination ROR a complètement été abandonnée. Le Japon recommande désormais la vaccination combinée rougeole-rubéole pour une utilisation de routine, mais évite toujours le vaccin ROR. La vaccination contre les oreillons appartient à la catégorie volontaire. Voici les principales différences entre les programmes de vaccination japonais et américains. Le Japon n'a pas d'exigence en matière de vaccination, mais recommande des vaccinations qui sont soit de routine, couvertes par une assurance, soit volontaires, à payer soi-même. Le Japon ne vaccine pas les nouveau-nés avec le vaccin contre l'hépatite B, sauf si la mère est positive à l'hépatite B. Le Japon ne vaccine pas les femmes enceintes avec le vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche. Le Japon ne vaccine pas les femmes enceintes ni les enfants de 6 mois contre la grippe. Le Japon ne pratique pas la vaccination ROR, mais recommande une vaccination contre la rougeole rubéole. Le Japon n'exige pas la vaccination contre le papillomavirus humain HPV. Aucun pays développé ne donne autant de doses de vaccins au cours des deux premières années de vie que les États-Unis. En revanche, le calendrier de vaccination américain exige une vaccination de routine pendant la grossesse. Il exige la première dose de vaccin contre l'hépatite B dans les 24 heures après la naissance, bien que 99,9% des femmes enceintes soient négatives au test de l'hépatite B et continuent avec 20 à 22 doses de vaccin rien que pour la première année. Aucun autre pays développé ne pratique autant de vaccinations au cours des deux premières années de la vie. La vaccination contre l'hépatite B signifie l'injection à un nouveau-né d'une dose de 250 microgrammes d'aluminium, un excipient neurotoxique et immunotoxique, cela pour déclencher une réponse immunitaire. Il n'existe aucune étude qui assure une protection contre des doses aussi élevées de métal injecté auxquelles les nourrissons sont exposés. En fait, la limite supérieure de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux pour l'aluminium dans les liquides intraveineux pour les nouveau-nés est beaucoup plus basse, à 5 microgrammes par kilo et par jour. Et même à ces doses, les chercheurs ont identifié la possibilité de troubles du développement neurologique. Pour un nouveau-né moyen, pesant 3,750 kg, le vaccin contre l'hépatite B contient plus de 15 fois plus d'aluminium que la limite supérieure des solutions de perfusion fixées par la FDA. Contrairement au Japon, les États-Unis administrent des vaccins antigrippaux et antitétanos, diphtérie, coqueluche aux femmes enceintes chaque trimestre et les bébés reçoivent des vaccins antigrippaux à l'âge de 6 mois qui sont ensuite renouvelés chaque année. Les fabricants n'ont jamais testé la protection contre les vaccins antigrippaux administrés pendant la grossesse et la FDA n'a jamais officiellement approuvé de vaccins spécifiquement destinés à être utilisés pendant la grossesse avec une protection du bébé. Les partisans américains de la vaccination affirment que le plan de vaccination américain est similaire à celui d'autres pays développés, mais cette affirmation est inexacte si on l'examine de plus près. La plupart des autres pays ne recommandent pas la vaccination pendant la grossesse et très peu recommandent la vaccination le premier jour de la vie. Comme les fœtus et les nouveau-nés réagissent de manière particulièrement sensible à une exposition toxique et à une activation immunitaire précoce, il est important de savoir que le nombre, le type et le moment de l'exposition au vaccin peuvent avoir un fort impact négatif sur leur développement. Des études montrent que l'activation du système immunitaire des femmes enceintes peut provoquer des troubles du développement chez leurs descendants. Pourquoi, d'une part, conseille-t-on aux femmes enceintes aux États-Unis d'éviter l'alcool et le thon contenant du mercure pour protéger leur fœtus en développement, alors que, d'autre part, on les oblige activement à se procurer des vaccins antitétanos, diphtérie, coqueluche et antigrippaux immunoactifs contenant encore du mercure dans des flacons multidoses et d'autres substances suspectes? Le Japon a d'abord recommandé le vaccin anti-papillomavirus, mais a cessé de le faire en 2013 après que de graves problèmes de santé eurent entraîné de nombreuses poursuites judiciaires. Des chercheurs japonais ont maintenant confirmé une relation temporelle entre la vaccination contre le HPV et l'apparition de symptômes chez les receveurs. Les autorités de régulation américaines ignorent ces rapports et d'autres similaires. Elles ne se contentent pas de promouvoir et de prescrire de manière agressive le vaccin contre l'HPV qui était autrefois volontaire à l'âge prépubertaire, mais le propage désormais également chez les adultes. Le vaccin HPV fabriqué par Merck a reçu une approbation accélérée de la FDA, malgré le fait que la moitié des sujets des essais cliniques ont signalé dans un délai de 7 mois des problèmes de santé graves. Le CDC considère la mortalité infantile comme l'un des indicateurs les plus importants de l'état de santé général d'une société. L'agence devrait prendre note du taux de mortalité japonais, qui est le deuxième plus bas au monde après Monaco, avec 2 décès infantiles pour 1000 naissances. En comparaison, près de 3 fois plus de nourrissons américains meurent, 5,8 pour 1000 naissances, malgré des dépenses massives par habitant pour les soins de santé des enfants. La mortalité infantile aux États-Unis est supérieure à celle de 55 autres pays et elle est plus élevée qu'en Lettonie, en Slovaquie ou à Cuba. Rappelons que les États-Unis ont le plan de vaccination le plus agressif des pays développés. La plupart des vaccins sont injectés très tôt. Les meilleurs et les pires. Deux résultats différents pour la mortalité infantile. Si les vaccins sauvent des vies, pourquoi les enfants américains meurent-ils plus vite et plus jeunes que les enfants de 19 autres pays riches? Et pourquoi ont-ils un risque de mourir avant l'âge adulte 57% plus élevé? Les enfants japonais qui reçoivent le moins de vaccins au monde, sans exigence vaccinale de la part du gouvernement, grandissent et vivent une vie longue et vigoureuse. Les statistiques internationales sur la mortalité et la santé infantile et leur corrélation avec les protocoles de vaccination montrent des résultats qui sont ignorés par les gouvernements et les autorités sanitaires, ce qui fait courir de grands risques à nos enfants. Parmi les 20 pays ayant les taux de mortalité infantile les plus bas au monde, seuls 3 pays, Hong Kong, Macao et Singapour, administrent automatiquement le vaccin contre l'hépatite B à tous les nouveau-nés. Ce qui est justifié par le fait que l'hépatite B est très courante dans ces pays. La plupart des 17 autres pays en tête, dont le Japon, n'administrent le vaccin contre l'hépatite B à la naissance que si la mère est positive à l'hépatite B. Les États-Unis, avec leur honteux 56e rang en matière de mortalité infantile, administrent le vaccin contre l'hépatite B à l'ensemble des 4 millions de nouveau-nés chaque année, malgré une faible incidence de l'hépatite B. Les États-Unis sacrifient-ils la santé des enfants pour des profits ? Merck, le fabricant du vaccin ROR, est en procès pour fraude liée au ROR. Les lanceurs d'alerte affirment que le géant pharmaceutique a manipulé les données d'efficacité pour le composant au rayon de son vaccin, afin de maintenir son monopole sur le marché. Les preuves fournies par les lanceurs d'alerte ont donné lieu à 2 affaires judiciaires distinctes. En outre, un lanceur d'alerte du CDC a affirmé que le vaccin ROR augmente le risque d'autisme chez certains enfants. D'autres ont signalé qu'en comparaison avec le risque potentiel de dommages permanents causés par le vaccin ROR, le risque d'infection par la rougeole paraît insignifiant. Pourquoi la FDA et le CDC continuent-ils de soutenir le vaccin ROR problématique, bien que Merck soit impliqué dans une procédure judiciaire pour fraude concernant la sécurité et l'efficacité du vaccin? Pourquoi les législateurs et les fonctionnaires américains ne demandent-ils pas une meilleure alternative, comme l'a fait le Japon il y a plus de 20 ans? Pourquoi les villes et les États américains imposent-ils le vaccin ROR de Merck aux enfants américains? Le gouvernement américain protège-t-il les enfants ou Merck? Pourquoi les autorités américaines ignorent-elles le modèle exemplaire du Japon? Ce modèle prouve que le programme de vaccination le mieux évalué du monde industrialisé, associé à une hygiène et une nutrition de premier ordre, peuvent donner des résultats optimaux en matière de santé des enfants. Un principe clé d'une société libre et démocratique est la liberté de prendre des décisions solides au sujet des interventions médicales qui présentent des risques potentiels graves. Cela inclut le droit d'être informé des avantages et des risques et la possibilité de dire non. Le code de Nuremberg stipule la nécessité d'un consentement en connaissance de cause, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes sournoises de contrainte ou de coercition. L'application de la vaccination ROR ou de toute autre vaccination contre les personnes qui ne sont pas informées ou qui ne donnent pas leur consentement n'est rien de moins qu'une tyrannie médicale.